Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Interpol, la coopération policière dans le combat contre la criminalité sans frontières. Le facteur international existe, a existé en somme depuis toujours, puisqu'il y a toujours eu des frontières, mais ils ont proliféré avec le développement incroyable des moyens de communication, si bien que la police s'est trouvée dans l'obligation, dans la nécessité, pour la défense du corps social, d'établir quelque chose de nouveau, une organisation qui facilite les rapports entre les diverses polices nationales. C'est ainsi qu'est née l'Organisation internationale de police criminelle, dont le mot Interpol n'est d'ailleurs que l'abréviation ou, si vous préférez, l'adresse télégraphique. Le secrétaire général d'Interpol, Marcel Sicot, à l'émission Carrefour en avril 1958, c'est en 1923 qu'est créé Interpol. Au fil du temps, cette organisation de coopération entre les polices de différents pays va évoluer. L'organisation va frôler la mort durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'elle tombe sous le joug des nazis. En 1946, Interpol se reconstruit. C'est d'ailleurs cette année-là qu'elle adopte le nom d'Interpol, justement. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Aujourd'hui, nos citoyens, notre mode de vie et notre liberté ont été pris d'assaut par une série d'attaques terroristes délibérées. Des milliers de vies ont été fauchées par le mal. Ces images d'avions qui foncent dans des édifices, de feux qui brûlent et de structures immenses qui s'effondrent nous remplissent d'incrédulité, de tristesse et de colère silencieuse. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. Ces meurtriers de masse avaient pour objectif de plonger notre nation dans le chaos. Mais ils ont échoué. Notre pays est fort. La recherche pour retrouver ceux qui sont derrière ces actes de terreur a débuté. J'ai ordonné à nos services policiers et de renseignement de trouver les responsables et de les amener devant la justice. To find those responsible and to bring them to justice. Entre-temps, l'enquête sur les attentats de mardi contre le World Trade Center à New York et contre le Pentagone à Washington s'étend à l'Europe et à l'Asie. Interpol vient de mettre en place une cellule de crise chargée de communiquer aux autorités américaines les informations recueillies dans une quarantaine de pays. Le président américain George W. Bush, le soir du 11 septembre 2001, suivi d'un extrait du radiojournal du 14 septembre de la même année, les attentats du World Trade Center de septembre 2001 vont avoir l'effet d'un électrochoc pour Interpol. L'attaque du 11 septembre va forcer l'organisation internationale à se remettre en question. Pour nous raconter l'histoire d'Interpol, je reçois Stéphane Berthomet, spécialiste en affaires policières, ex-officier au service de renseignement à la lutte contre le terrorisme également à la police française. Stéphane Berthomet, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre cet extrait qui nous ramène à cet électrochoc pour Interpol, mais pour le monde entier du 11 septembre 2001. Où en est Interpol quelques années plus tard, à l'heure où frappe quand même le terrorisme un peu partout, à l'heure aussi où la criminalité est de plus en plus une criminalité transfrontalière? Bien, c'est vrai que ce type de criminalité, les attentats et le terrorisme sont la partie la plus apparente qui a poussé justement Interpol à s'améliorer encore, mais qui a justifié aussi son existence. Parce que Interpol, c'est avant tout un outil de communication entre polices de différents pays. Alors, on a compris au sein d'Interpol qu'il fallait augmenter les moyens de communication. On a mis en place encore plus de technologies pour servir les différents corps policiers. Et il y a eu de plus en plus, à partir de ce moment-là, cette nécessité d'échanger, mais aussi d'analyser l'information au sein d'Interpol. Pour prévenir, en fait, parce que c'est ça que ça a fait le 11 septembre, cet électrochoc pour Interpol, mais pour plein de monde, c'est de dire, est-ce qu'on aurait pu éviter ça? En fait, Interpol a bien clairement compris à ce moment-là qu'il y avait deux missions. La première mission, c'est le partage d'informations. Et on sait tous que le partage d'informations est la base d'une bonne technique policière, des bonnes enquêtes, d'une part. Mais d'autre part, c'est l'analyse aussi, la compréhension d'un pays à l'autre par l'échange de ces informations-là, des éléments qui peuvent conduire à soit anticiper certains mouvements terroristes ou certaines formes de criminalité, ou à connaître l'évolution de ces formes de criminalité. Et ça, c'est ce qui s'est énormément développé au sein d'Interpol, ouais. cet élément d'analyse. Bon, alors revenons au tout début, parce qu'Interpol, aujourd'hui, n'a rien à voir, ou à peu près, avec l'Interpol des tout débuts. Ça commence quand, cette aventure d'Interpol, Stéphane Berthomé? Ben, on peut dire que la première trace ou la première apparition de ce qui sera plus tard Interpol, c'est au Congrès international de police de Monaco en 1914, où on dit que dans les interventions et dans les échanges, on constate qu'il faut commencer à échanger de l'information. On est quand même avant la Première Guerre mondiale, là on voit qu'on a affaire à des gens qui ont une compréhension très fine de la réalité de ce qu'est le travail policier de l'époque. Ouais. À partir de là, et vous l'avez dit, on crée la commission internationale de police criminelle en 1923, et puis la structure prend de l'ampleur. On met surtout en place, à partir de là, des réseaux d'échanges d'informations qui ne vont cesser évidemment avec les technologies, de devenir de plus en plus performants, ouais. jusqu'à un échange d'informations en temps réel 24/24, la création de cellules d'échange d'informations, ouais. la création des experts analystes, et puis l'appui aussi sur le terrain. C'est un volet dont on parle moins souvent, mais Interpol fait des appuis techniques sur le ouais. terrain des opérations. Donc, naissance en 23 à Vienne, et puis la coopération des polices nationales qui va s'accentuer. Au fond, l'idée, c'est que chaque police nationale qui est membre d'Interpol prenne Interpol au sérieux. Il y a un bureau là, dans chaque pays et qui est fondamental dans le fait que l'information circule bien. Je l'évoquais au tout début de l'émission, parenthèse assez troublante. Deuxième guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, fait que les nazis se retrouvent à contrôler cette organisation-là. Oui, alors évidemment, la Deuxième Guerre mondiale est pour Interpol, comme pour beaucoup de polices des pays occupés, un événement extrêmement tragique, parce que toutes les informations et tous les fichiers dont on ne voudrait pas évidemment qu'ils soient tombés entre des mains ennemies sont là sous le contrôle des nazis. Ouais. Ça en laissera d'ailleurs une marque, et on peut le comprendre assez facilement, ça laissera le même type de marque que l'occupation a laissé à la police ouais. française. C'est-à-dire que on a parfois pris des habitudes ou on a des difficultés à réagir à certaines formes de criminalité parce que le système, la structure, se souvient aussi ouais. de la domination d'une puissance étrangère. Et ça, ça a des conséquences insoupçonnées, en tout cas que moi je ne soupçonnais pas et que j'ai découvert ces conséquences en préparant cette émission. Je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de Raymond Saint-Pierre diffusé à l'émission Le Point en 1994 qui nous parle justement des traces qu'a laissé cette mainmise nazie sur Interpol, mais des années plus tard. Interpol est né à Vienne, en Autriche, en 1923. 26 pays en font alors partie. Pendant la dernière guerre mondiale, son siège social sera déménagé à Berlin, alors que l'organisation devient la créature des nazis. Le général SS Reinhard Heydrich est placé à la tête d'Interpol et il y laissera son empreinte. De 1969 à 1972, c'est Paul Diekopf qui sera président d'Interpol. Après sa mort, on apprend qu'il avait été SS pendant la guerre. Tout ceci crée un fort climat de suspicion renforcé par le fait qu'Interpol refuse systématiquement de rechercher les criminels de guerre. De 1945 à 1986, on justifiera ce refus en invoquant l'article 3 des statuts d'Interpol. Il se lit comme suit: « Toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial sont rigoureusement interdites par l'organisation ». Pourtant, la Convention de l'ONU de 1948 sur le génocide précise bien qu'on ne peut invoquer ce genre de protection pour échapper à des poursuites pour crimes de guerre. On va vous montrer déjà la photo de Alois Brunner, ce qui existe. Il faudra attendre 1986 pour qu'Interpol accepte enfin de poursuivre ces criminels de guerre. Raymond Kendall, qui vient à l'époque d'être élu secrétaire général de l'organisation, amène cette volte-face. Intéressant cet extrait de reportage de Raymond Saint-Pierre, Stéphane Berthomé. Ça nous montre, et ça nous en dit en tout cas déjà pas mal sur... c'est des humains qui font une organisation, sur la fragilité d'organisations comme Interpol. Oui, une organisation n'est jamais que le fruit de ce que les hommes qui la composent veulent en faire. Ça, c'est un point important. Et puis, c'est drôle parce que très symboliquement, en 1989, le siège d'Interpol est rapatrié à Lyon. Et On sait que Lyon est une ville qui a énormément compté pendant la Deuxième Guerre, pendant la période de l'occupation, puisque c'était une ville qui avait d'abord un siège de la Gestapo, oui. Et en même temps, qui était le haut lieu de la résistance française. Alors, on sent qu'effectivement, on a voulu faire une coupure. Et étrangement, et moi je m'en souviens encore dans les périodes où j'étais en service, Interpol a toujours cette image d'une structure un peu administrative, un peu éloignée de la réalité policière. Et il y a toujours eu une sorte de, je ne veux pas dire défiance parce que le mot est fort, mais quand même, on a toujours considéré Interpol comme une sorte d'organisation un peu étrange, ouais. Qui est très utile, mais qu'on ne considère pas réellement totalement comme policière dans l'univers policier, il faut le dire. Et alors, on se méfie? D'une certaine façon, il y a, je dirais pas une défiance, mais on considère pas qu'Interpol est une réelle structure d'une nature tellement opérationnelle. Et je vais vous donner un exemple. Quand Interpol fait un bulletin en annonçant qu'ils ont procédé ou ils ont conduit à l'arrestation ou à la saisie de tant de documents, de tant de matériel, etc. D'un autre côté, tous les corps policiers qui participent à cette opération font eux-mêmes la même sortie en disant « nous avons conduit à l'arrestation de tant de personnes, etc. » Et anecdote, notamment dans le domaine des stupéfiants, dans les chiffres des saisies des stupéfiants en France, par exemple, on cumulait celles qui avaient été faites par l'Office central de lutte contre les stupéfiants, celles qui étaient faites par les services locaux et celles d'Interpol. Ouais. Alors, bon, ça démontre quand même que, évidemment, on a besoin d'Interpol, et Interpol s'est très bien inséré dans les besoins des différents services de police, mais est toujours resté une structure un petit peu à l'écart. Ouais. Comment ça fonctionne, Interpol? Vous l'évoquiez au tout début de l'émission, il y a deux grands volet, échange d'informations, analyse criminelle. Le point de départ, peut-être l'expliquer en quelques mots, c'est un système au fond de notices. Comment il fonctionne? Il y a différentes couleurs associées à ces notices. Alors, le point le plus connu d'Interpol, c'est effectivement l'échange de notices qui sont ni plus ni moins que des fiches d'information qu'on envoie au fichier central et qui les rediffuse à l'ensemble des membres de l'organisation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Interpol fonctionne par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux. Chaque corps de police a un bureau qui sert d'entrée et de sortie, de point de sortie et donc de point de contact avec son corps policier. Alors souvent, c'est une ou deux personnes, hein, ouais. Ça ne va pas plus loin que ça. Mais ce bureau est l'endroit où on envoie les informations, on les reçoit, et ces fameuses fiches, par exemple la fiche rouge qui est la fiche de recherche et d'arrestation, ou la fiche noire qui est la fiche en vue d'identifier des victimes dans le cas d'une catastrophe, ça peut aussi bien être une catastrophe ou un attentat, sont très très utilisées, on en distribue des dizaines de milliers par jour, mais il y a aussi tout l'échange d'informations, c'est-à-dire toutes les informations actualisées sur les types d'armes qui peuvent être découvertes dans tel type d'organisation ou dans telle opération, ou qui ont été mises en œuvre dans tel milieu, dans tel domaine, mais aussi les moyens opératoires. Ouais. Telle organisation terroriste a utilisé récemment tel type d'explosif selon tel type de dispositif, etc., qui permet de faire des recoupements. Et enfin, un autre volet qui, lui, est beaucoup plus limité parce qu'il n'est pas partagé avec tout le monde, qui est un volet d'analyse criminelle, qui permet, sur la base de toutes ces informations, de soit définir des grandes tendances sur les mouvements criminels ou sur l'évolution de certains mouvements criminels, ou les grandes tendances criminelles. On constate, par exemple, pendant certaines périodes, que le trafic des êtres humains va prendre une place prépondérante. Donc, on va inciter les pays à agir plus en amont sur ce type de criminalité. Pour voir venir, pour prévenir. Pour anticiper. Ouais. Revenons un petit peu à l'histoire d'Interpol comme telle. On a parlé de la parenthèse nazie de la Seconde Guerre mondiale. On va parler un petit peu maintenant de la période de la guerre froide. Interpol au temps de la guerre froide, à quoi ça pouvait ressembler? Dans quelle mesure, par exemple, collaboraient ensemble les polices des pays de l'Est avec ceux des pays de l'Ouest? On écoute à ce sujet Laurent Grelzamer à l'émission Présent Dimanche en mai 1987. Dès qu'on pense aux pays de l'Est, on pense bien sûr à des affaires de type politique. Mais il y a beaucoup d'affaires qui ne sont en rien politiques, qui sont des affaires de pur droit commun. Par exemple, en 81 ou 82, l'un des plus célèbres musées de Hongrie a été dévalisé, et des grandes toiles, des toiles du Tintoret, de Raphaël ont été dérobées. Elles ont ensuite été expédiées en Italie, puis en Grèce. Bon, je veux dire, en Hongrie, c'est une affaire criminelle de droit commun qui a soulevé une émotion considérable, parce que c'était une atteinte au patrimoine national. La Hongrie a immédiatement prévenu Interpol, et grâce à Interpol, toutes les toiles volées ont été récupérées 2 ans plus tard. Bon, c'est un exemple parmi d'autres qui vous montre que la collaboration est possible entre un pays de l'Est comme la Hongrie, et un pays comme l'Italie, comme la Grèce, et avec une organisation comme Interpol. En fait, les pays de l'Est, après avoir quitté Interpol durant la guerre froide, ont tendance aujourd'hui à y revenir. La Roumanie est revenue, la Yougoslavie en fait partie, la Chine populaire également depuis 1984, parce que ce sont des pays qui s'ouvrent de plus en plus au tourisme. Et à partir du moment où un pays s'ouvre au tourisme, il s'ouvre par définition à des communications, notamment aériennes, beaucoup plus nombreuses. Donc on peut supposer que le nombre de criminels internationaux transite beaucoup plus largement qu'auparavant dans ces pays. Extrait de l'émission présente dimanche en mai 1987, 2 ans avant la chute du mur de Berlin. Comment ça va évoluer, Stéphane Berthomé, cette relation entre pays de l'Est et pays de l'Ouest au sein d'Interpol? Ben, ça va être une relation constructive si on s'en tient au plan de ce qu'on considère comme les crimes de droit commun. C'est-à-dire tout ce qui touche effectivement au trafic d'œuvres d'art, aux attaques de banques, à la grande criminalité. Pourquoi ? Parce que ces pays ont, comme tous les pays avec leur police, un besoin de partager de l'information, qu'on sait que ce sont des types de criminalité comme le trafic des œuvres d'art qui sont par essence transnationales, c'est-à-dire on vole dans un pays, on va vendre dans un autre, parfois même on est commandité par quelqu'un dans un autre pays pour aller voler dans un musée. Donc ces pays-là ne peuvent pas se priver de l'intérêt de l'échange d'informations et du partage d'informations. Et ce court extrait en est la preuve. L'efficacité de l'échange d'informations dans ce domaine-là, il est incroyable. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas s'en priver. Mais par contre, de l'autre côté, on n'oublie pas que quand on rentre dans le domaine du politique ou quand on est dans le domaine du terrorisme, on n'a pas la même vision des choses. Et ça restera longtemps marqué dans les échanges d'informations. À partir du moment où on est dans ce domaine un peu plus difficile, un peu plus délicat ou beaucoup plus subjectif, on a parfois du mal à échanger de l'information et on a même parfois du mal à être d'accord sur ce qu'est une organisation terroriste. Ça marche moins bien. On laisse l'information moins facilement, on la lâche moins facilement en fait. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais à la direction de la surveillance du territoire, de questions qui se posaient quant à l'échange d'informations sur des sujets qu'on considérait comme sensibles, qui pouvaient être partagés avec des pays en qui on n'avait pas totalement confiance. Ouais. On revient au 11 septembre, au climat qui va suivre le 11 septembre, puis aux ajustements que fera Interpol à la suite de ces attentats du 11 septembre 2001. Ce que ça va nous montrer assez clairement, c'est que la nature des opérations, on peut l'un petit peu évoquer, la nature des opérations d'Interpol va se complexifier avec le temps. Écoutez ici ce reportage d'Euronews avec un exemple très concret de ce que ça va donner. Le trafic d'armes internationales dans le viseur d'Interpol. À la baguette d'une énorme opération de police coordonnée dans 23 pays d'Europe de l'Est et des Balkans, entre le 6 et le 8 avril, 149 personnes ont été arrêtées, comme ici dans le district de Breko, un territoire autonome de Bosnie-Herzégovine. 321 armes à feu, un lance-roquettes, des explosifs et des dizaines de milliers de munitions ont été saisies. Une réussite pour le chef d'Interpol à Sarajevo. Le succès ne se mesure pas qu'au nombre de contrôles, d'arrestations, de saisies réalisées. En synchronisant les opérations de police dans plusieurs pays, on envoie un message clair aux criminels. Les policiers de plusieurs pays dans le monde luttent ensemble contre la criminalité. L'opération Trigger 2 a mobilisé 7840 policiers, a été coordonnée depuis Skopje et Minsk face à la montée du risque terroriste en Europe. Certains djihadistes, comme les assassins de Charlie Hebdo, se sont armés dans les Balkans. Selon une étude, au moins 3 millions d'armes sont en circulation dans les Balkans occidentaux. Alors, que nous dit ce reportage, Stéphane Berthomé, sur l'opération Trigger 2 en 2017, sur ce que devient Interpol? En fait, c'est ce que ne dit pas le reportage qui est intéressant. C'est qu'on nous parle de trafic d'armes, on nous parle de saisie de matériel, mais ce qui est derrière tout ça, les enjeux qui sont derrière tout ça, derrière le trafic de faux papiers, le trafic d'armes ou le financement international, ce sont des problématiques de terrorisme international ou des problématiques qui ont trait à des génocides ou à des crimes interethniques. Et on le sait, cette période-là, avec le Rwanda, avec la Bosnie, etc., toute la deuxième partie de la vie d'Interpol est extrêmement marquée par ces événements, parce qu'on comprend, et on le sait depuis très longtemps évidemment, mais on sait que tout ce qui touche au trafic international, à l'approvisionnement en armes ou aux faux papiers, va être le support de ce type de criminalité-là, qu'on considère évidemment comme de toute première importance. Alors le rôle d'Interpol devient encore plus important. Échanger de l'information sur les trafiquants d'armes, sur les saisies, peut nous éclairer énormément sur ce qui risque de se produire ou sur l'utilité de ce matériel dans le cadre cadre de conflits qui sont beaucoup plus vastes qu'une simple attaque à main armée ou des choses comme ça. On termine cette émission en abordant les zones de fragilité d'Interpol. On va le faire dans deux temps. D'abord, la fragilité sur le plan politique. Interpol, c'est comme les Nations Unies, au fond. C'est une assemblée de différents pays avec des intérêts politiques distincts. Il y a eu des exemples récents. Donnez-nous-en quelques-uns qui montrent cette fragilité, cette faiblesse d'Interpol quand on touche à ces questions plus politiques. L'utilisation, au fond, pour des fins politiques d'Interpol. Il y a eu, effectivement, et il y a récemment, des accusations qui ont été portées sur l'utilisation des fiches rouges. Les fiches rouges, je vous rappelle, c'est ces fiches qui permettent d'aller interpeller un individu parce qu'il est recherché par les autorités d'un autre pays. Et effectivement, il y a eu plusieurs cas dans lesquels on a constaté que peut-être la fragilité résidait dans la nature de la demande. Est-ce que c'était réellement une demande d'intérêt judiciaire ou est-ce qu'elle était d'intérêt politique? Et dans ce cas-là, on a l'exemple de Razoul Mazrei, qui est un militant des droits de l'homme, qui a été visé par une fiche rouge en Iran et qui a été arrêté, qui a disparu, dont on suppose aujourd'hui qu'il est mort. Et évidemment, ça pose énormément de questions quand on a des doutes sur les liens entre la politique et la justice et le système de justice de certains des pays. A-t-on utilisé Interpol pour neutraliser un militant des droits humains? Ben, tout à fait. Ouais. Et il y a un autre exemple, le journaliste Daniel Lenné, qui a fait un reportage, qui a fait un documentaire sur la pédophilie et qui... lui était visé par une fiche rouge émanant du Cambodge. Cette fiche rouge a conduit à son arrestation alors qu'il était en transit à Cuba. Ouais. Et heureusement, il a pu se sortir de cette situation. Mais là, on a très bien compris dans ce cas-là que tout ça avait été manipulé dans l'objectif pur et simple de le déstabiliser et de nuire à quelqu'un qui lui-même faisait un documentaire qui n'arrangeait pas les autorités du pays. Et puis l'autre zone de fragilité, peut-être plus récente encore, c'est les problèmes financiers d'Interpol, des partenariats avec certains pays, mais aussi avec des entreprises privées. Oui. Ça semble invraisemblable. Et en fait, c'est extrêmement compréhensible si on prend les chiffres. Le budget d'Interpol, c'est à peu près 150 millions de dollars. Le budget du FBI, c'est 9 milliards de dollars. Alors, on comprend que quand on veut faire fonctionner une organisation internationale, même si c'est pas comme au cinéma, des gens qui courent sur le terrain après des criminels, mais que c'est avant tout une structure technique, technologique de soutien au corps policier, ça demande de l'argent, surtout aujourd'hui, où on est dans un échange de masse de données complètement délirant. Alors, on comprend que ce budget, il est limité. On comprend que, de fait, on va aller chercher des secours à l'extérieur des pays qui ne sont pas toujours capables de fournir eux-mêmes ou qui ne veulent pas toujours payer pour le service auquel ils ont accès. Et là, le danger intervient justement parce qu'on fait appel à des sociétés privées qui viennent soit apporter de la technologie, soit apporter du financement. Et on sait qu'évidemment, la force de la loi est de s'appuyer uniquement sur les structures d'État qui sont censées être totalement autonomes, indépendantes, alors qu'une société privée va avoir des objectifs parfois beaucoup plus prosaïque et intéressant. Donc, dangers multiples, conflits d'intérêts, corruption. D'ailleurs, le Chinois Meng Hongwei a dû quitter son poste. Elle a dû démissionner comme secrétaire général de l'organisation en 2018. Il y a une espèce de flou, mais soupçonné de corruption. C'en est un exemple des dérapages possibles. C'est le dernier exemple de cette situation très surréaliste où on a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Stéphane Berthomé, ancien officier des services de renseignement et d'antiterrorisme de la police française, spécialiste en affaires policières. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.